Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. C'est un honneur de vous retrouver chaque matin pour la dévotion matinale. Nous nous intéressons à un texte particulier, texte tiré et proposé par le lecteur de la Bible 2020 pour ce jeudi 30 janvier 2020. Nous lisons Deutéronome chapitre 4, les versets 15 à 31. Dans ce passage sont énumérées les deux formes principales d'idolâtrie, celle qui consiste à diviniser les êtres terrestres comme c'était le cas en Égypte et l'autre par laquelle un culte est rendu au corps céleste, le soleil, la lune et les étoiles comme c'était le cas en Perse par exemple. Ces deux formes d'idolâtrie seront de constantes tentations auxquelles Israël cédera souvent. Les Israélites ne devaient jamais fabriquer une représentation quelconque de la divinité. Même si nous savons que la seconde personne de la Trinité est devenue un homme, les Écritures sont muettes concernant son apparence physique. Certains pensent qu'une image ou une statue les aide à adorer Dieu. Un commentateur biblique écossais d'une autre époque a dit ceci: « Les hommes se font une représentation de Jésus quand ils n'ont plus sa présence dans leur cœur. » Tous ces principes énoncés dans ce chapitre par Moïse sont des vérités fondamentales qui n'ont pas vieilli avec le temps. Tous les détails de ce texte avec le professeur Louis Aubou. Il est chrétien, membre de l'église baptiste Œuvre et Mission de la Rivière 2. Il est spécialiste de la littérature d'expression anglaise des pays africains à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Emmanuel Yao s'occupe de la mise en onde de cette émission. Son assistant s'appelle Edouard Yao. Je suis à Dombi, à l'ExpaCom, pour vous servir à la présentation. Avant d'aller plus loin, nous allons permettre au professeur Louis Aubou de prier pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Ce jour, nous voulons écouter ta parole. Aide-nous à la comprendre. Que ton esprit éclaire notre esprit à recevoir ta parole. Et surtout, donne-nous un cœur obéissant pour que nous puissions pratiquer les vérités que tu nous auras communiquées à travers ta parole. Merci Dieu, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci de lire avec nous le texte du jour, Deutéronome chapitre 4, les versets 15 à 31. La lecture est faite dans la Bible version Louis II, verset 15. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelconque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal, qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel, qui voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Versets 30 et 31 pour mettre fin à notre lecture. Au sein de ta détresse, lorsque ces choses t'arriveront, alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Amen. Merci de nous rejoindre chaque matin pour méditons ensemble. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et le lecteur de la Bible nous donne de lire pour ce jour Deutéronome chapitre 4, les versets 15 à 31. Mais hier, avec le professeur Louis Aubou, nous avions lu les 14 premiers versets du chapitre 4 de Deutéronome. Bonjour professeur. Bonjour frère Alex. On va revenir sur les enseignements du texte d'hier. Qu'est-ce que nous avons retenu? Hier, par la grâce de Dieu, nous avons retenu que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être toujours prêts à obéir à la parole de Dieu, à nous soumettre à la parole de Dieu, et que nous ne devons point ajouter ou retrancher ce que nous avons reçu de la parole de Dieu en y ajoutant nos traditions, nos pensées, nos opinions. La parole de Dieu est claire et elle est suffisante pour nous faire du bien. On n'a pas à y ajouter quoi que ce soit. Et c'est ce que nous avons retenu. Nous avons aussi retenu qu'il faut que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions que le Seigneur est près de nous. Il n'y a pas un autre Dieu qui est aussi près de ses enfants que l'Éternel notre Dieu pour faire du bien à ses enfants. Donc nous, en tant que peuple de Dieu, qui avons connu Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que le Seigneur est avec nous et qu'à chaque moment, nous pouvons tourner nos regards vers lui. Et il va nous exaucer. À nous de nous conformer à la parole de Dieu et non à la parole de Dieu de se conformer à nous. Voilà quelques leçons que nous avions retenues dans l'étude d'hier. D'accord. Nous abordons maintenant l'observation de ce texte que nous lisons aujourd'hui. La suite du texte d'hier, les versets 15 à 31 de Deutéronome chapitre 4. Professeur, de quoi parle ce texte? Ce texte, c'est une exhortation à s'attacher à l'Éternel et lui attribuer toute la gloire, et surtout à s'éloigner de toute forme d'idolâtrie. C'est pourquoi Moïse va insister sur les premiers versets du commandement qu'il a donné à son peuple pour que le peuple fasse attention à toute forme d'idolâtrie et soit prêt à pouvoir lui donner, lui Dieu, toute la gloire. D'accord, les détails de l'observation tout à l'heure, après quoi il sera question de l'interprétation. Dans la conclusion, nous ferons des mises en application, des leçons, des enseignements. Ce sera vers la fin de l'émission. Alors pour l'observation, les détails, deux mouvements sont proposés par le professeur Louis Aubou, les versets 15 à 24, l'interpellation sur le premier, le deuxième commandement, et puis deuxième mouvement, les versets 25 à 31, les conséquences inévitables de la désobéissance. Commençons par l'interpellation sur le premier et le deuxième commandement, les versets 15 à 24. Dans ce passage que nous avons intitulé l'interpellation sur le premier et le deuxième commandement, vous allez voir que le verset 15 commence déjà par attirer l'attention sur un fait qui est important. Et Moïse va dire que lorsque sur le mont Horeb, donc montagne de Sinaï, lorsque vous avez entendu la voix, est-ce que vous avez vu une image? C'est une question rhétorique pour dire tout simplement que vous n'avez pas vu une image, donc il ne faudrait pas en retour que vous fassiez toutes sortes de représentations parce que vous avez entendu la voix et il n'y a pas eu un visage sur la voix. Donc il ne vous est pas permis de dresser ou d'imaginer n'importe quelle image, ça sera une forme d'idolâtrie. Mais en même temps, ça dit que de façon, je dirais, non dit ouvertement, s'il dit de ne pas avoir une image, c'est qu'ils doivent faire de l'Éternel leur Dieu l'objet de leur attention, l'aimer de tout leur cœur, de tout leur être, même s'ils ne l'ont pas vu. Mmh. Et donc, là, il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel donc s'est révélé à vous, il faut que chacun veille donc à ne pas attacher son âme à une idole ou toutes sortes de figures. Et c'est ce qu'il va décliner là. C'est-à-dire qu'il y aurait cette tentation, et le Seigneur le sait, cette tentation à pouvoir représenter, à se corrompre à la représentation de l'image d'un homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il y aurait cette tentation parce que l'homme, le Seigneur le sait, il est plus assuré que quand il voit quelque chose matériel là, qu'il veut matérialiser, il veut voir celui à qui il s'adresse. Donc, nos traductions peuvent amener les gens à cela. Donc, il fallait déjà rectifier. C'est pourquoi, avant d'en arriver là, il a dit de ne pas ajouter et d'étrancher quelque chose de la parole de Dieu, parce que certains seraient amenés à ajouter d'autres choses, d'autres formes qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas entendues, qu'ils n'ont pas été suggérées. Et c'est ce qui est. Donc, les figures d'une bête qui rampe, donc les reptiles, on voit au verset 18, il dit au verset 19, il dit « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le ciel, les astres, les lunes, tu ne fais que pouvoir l'adorer. » Et nombre, donc, sont des personnes qui seraient amenées. Donc, le Seigneur déjà va attirer l'attention sur cet aspect des 10 commandements qui est très essentiel, parce que la forme d'idolâtrie va faire que tout le reste n'aurait plus de sens, parce qu'on va attribuer toutes les autres ordonnances des 10 commandements à la figure humaine, au reptile, au quadrupède qu'on aura fait. Donc, en un mot, on aurait dilué, on aurait ajouté, on aurait même détruit l'essence même des commandements tels que le Seigneur l'a prescrit. Donc, le Seigneur va attirer les enfants d'Israël sur leur attention sur cet aspect, afin qu'ils ne puissent pas continuer dans la désobéissance en se référant à d'autres dieux, en fabriquant d'autres dieux, et ce qui ne serait pas vraiment bien pour eux. D'accord. Deuxième mouvement, les versets 25 à 31, ça ce sont les conséquences inévitables de l'idolâtrie ou de la désobéissance. Oui, les conséquences sont vraiment multiples, et nous allons voir que le Seigneur va donc avertir les enfants d'Israël. Il va leur dire de faire très attention pour ne pas se corrompre et servir d'autres divinités. S'ils le font, il y aurait des conséquences vraiment immédiates. Et l'une des conséquences, c'est la destruction. Et il leur dit qu'ils seront réellement détruits. Il dit, je prends à témoin le ciel et la terre, que si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous faites toutes sortes de représentations d'autres dieux, d'autres reptiles, pour que vous en fassiez votre Dieu, il a dit donc au verset 20, vous serez dispersés. Vous allez d'abord disparaître. Ça, c'est la destruction. Vous disparaîtrez. Au verset 27, et il continue encore en disant, et là, vous servirez les dieux. Et comme ils seront dispersés, l'amour pour Dieu et même tout ce qu'ils ont pu expérimenter va tellement disparaître qu'ils vont s'attacher à d'autres dieux. Ils vont donc manger, ils vont boire, sentir les choses comme les autres nations, ils vont s'attacher à d'autres dieux que le Dieu d'Israël, parce qu'ils seraient donc dispersés. Et il dit que dans cette condition-là, ceux qui se seront repentis, alors ils auront donc pour eux la possibilité d'être restaurés dans leur dispersion par le monde, d'être restaurés. Donc en un mot, le Seigneur donne encore un plan de restauration pour leur donner déjà l'image de ce qui les attend. Comment plusieurs seront détruits d'entre eux, ils seront dispersés. Et ensuite, d'autres vont s'attacher à d'autres divinités. Mais parmi eux, ceux qui vont revenir à l'Éternel, il leur donne la possibilité d'être restaurés. Donc, il donne encore un plan de salut pour tout le peuple. Donc, pour le peuple présent, comme pour le monde à venir. Il donne encore le plan de salut. Donc, voilà, il y a des conséquences. Et il y a en même temps une porte d'ouverture pour la repentance, pour être restauré. D'accord, merci dessus. Méditons ensemble, chers amis. Auditeur, le texte que nous lisons, c'est Deutéronome chapitre 4, les versets 15 à 31. Et nous sommes avec le professeur Louis Aubou. L'observation va faire suite à l'interprétation. Amis auditeurs, nous allons nous intéresser aux ordres auxquels obéit. Et puis, s'il y a des vérités, n'est-ce pas, à découvrir dans ce texte, on va commencer par les ordres les recommandations du Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur donne plusieurs recommandations. Une des premières, c'est de veiller sur notre âme. Oui. Il faut que nous veillions sur notre âme et le peuple devait veiller sur son âme pour ne pas que son âme puisse s'adonner à toute forme d'idolâtrie. Ce serait une désobéissance à la voix de l'Éternel et aux ordonnances de l'Éternel. Autre ordonnance que le Seigneur donne ici, c'est qu'il dit encore au peuple, toute forme de représentation est une idolâtrie. Mmh. Toute forme de représentation d'une divinité et à laquelle on attribuerait toutes sortes de pouvoirs est une forme d'idolâtrie et le Seigneur combat cela. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il est un Dieu jaloux et il s'irrite contre ces choses. Hein. Il est un Dieu jaloux et il ne permettra pas cela. Donc, par conséquent, nous ne devons pas le faire. Voilà quelques ordres auxquels nous devons obéir. D'accord, on va s'intéresser aux vérités que nous découvrons à travers ce texte. À travers ce texte, nous avons plusieurs vérités qui devraient nous interpeller. Regardez le verset 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Ici, une des vérités est que Dieu est un Dieu jaloux. Il protège ce qui lui appartient et il ne permet pas à un autre d'avoir l'honneur qui lui revient. Quand on dit qu'un Dieu jaloux, ce n'est pas une jalousie motivée par l'avidité ou l'égoïsme. La jalousie de Dieu, ce qu'on appelle la jalousie sainte, la jalousie de Dieu, est profondément enracinée dans son désir de protéger son peuple et de pourvoir à ses besoins et de le bénir. Voilà pourquoi il est jaloux. Parce qu'il veut le protéger, il veut pourvoir ses besoins et il veut le bénir. Et pour cela, il ne peut pas permettre que celui-là s'échappe de cette voie de bénédiction. Donc nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et la jalousie qu'il a pour nous, c'est pour nous protéger, c'est pour nous bénir. C'est une jalousie protectrice qui pourvoit. Ce n'est pas une jalousie négative, blessante. Donc, nous devons savoir que si Dieu nous aime et il est jaloux de nous, il ne faudrait pas qu'en retour, nous ayons des comportements pour l'irriter. Parce qu'il nous aime, il cherchera à nous protéger. Mmh. Deuxième vérité que nous voyons, c'est que Dieu désire s'attribuer toute la gloire dans l'optique de révéler sa supériorité sur n'importe quelle divinité. C'est pourquoi il leur a dit de ne pas faire toutes sortes de représentations. Enfin, nous devons savoir que Dieu veut conquérir le cœur de son peuple et l'attirer à lui pour que son peuple soit béni. Donc, toutes ces ordonnances, toutes ces prescriptions, c'est parce qu'il aime son peuple et il voudrait que son peuple soit toujours dans la bénédiction. Voilà quelques vérités que ce passage nous donne. Amen. Nous allons conclure cette émission avec le professeur Louis Obou. Nous vous rappelons le texte que nous lisons. Il s'agit des versets 15 à 31 de Deutéronome chapitre 4. Qu'est-ce qu'on va retenir comme enseignement, comme leçon, n'est-ce pas, à mettre en pratique? Professeur, vous avez la parole. Merci. Il y a plusieurs leçons. La première partira du verset 25. Le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux, un feu dévorant. Nous devons savoir que notre Dieu nous aime d'une jalousie protectrice pour pourvoir notre besoin, pour nous protéger, non seulement cela, mais pour nous bénir. À cause de cela, faisons tout pour être dans les termes de cette bénédiction, pour que nous soyons toujours dans cette jalousie protectrice. En dehors de cette jalousie protectrice, nous sommes exposés à toutes sortes de dangers et là, on ne peut plus bénéficier de la protection de Dieu. Si nous nous éloignons de la jalousie protectrice de Dieu. Donc à la maison, dans le lieu de travail, partout où nous sommes, nous devons savoir que notre Dieu nous aime tellement qu'il nous jalouse et il voudrait que nous soyons sous cette jalousie protectrice pour que nos besoins soient pourvus, tant dans la prière que dans nos intentions. Pour cela, veillons sur notre vie. Deuxième chose que pratique, c'est que tout ce qui va rivaliser avec la place et l'honneur de Dieu dans notre cœur sous forme d'une idolâtrie quelconque. On peut aimer une photo, cette photo, peut-être la photo de Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est peut-être une photo. D'un acteur de cinéma. Mmh. Et on prend ça à cause de cette photo-là. C'est-à-dire, quand on veut prier, il faut qu'on se tourne vers cette photo. Et c'est là qu'on sent que le Seigneur nous voit. faisant attention, c'est une déviation et c'est une forme d'idolâtrie. Ou bien peut-être son crucifix où il y a Jésus-Christ qui est à la croix, si je n'ai pas attrapé ça pour prier, c'est comme si ma prière n'est pas... Si on fait cela encore, on ne va pas dans les termes que le Seigneur a donné. Le Seigneur a dit que je ne vous ai même pas montré un visage. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire sous forme de représentation d'un homme, d'un reptile ou quadrupède, etc. Veillons à cela. On peut, et souvent dans des dessins animés, on met des choses pour nous aider, pour aider les enfants à comprendre. Mmh. Mais à terme, c'est pour qu'ils puissent savoir que tel que nous sommes, c'est comme ça que le Seigneur aussi nous voit et qu'il est avec nous en esprit. Mais maintenant, nous devons vraiment veiller à cela, qu'il n'y ait pas toutes sortes d'idolâtrie sous n'importe quelle forme dans notre cœur. Même notre maison peut être une idolâtrie. Même ce que nous avons plus, à cause de ça, même on peut décider de ne même pas aller à l'église parce qu'on a perdu cela. Mmh. C'est une idolâtrie. Donc Dieu nous prévient solennellement qu'aucune idolâtrie n'héritera le royaume de Dieu. Il faut donc veiller sur notre cœur, comme le Seigneur nous l'a dit, de veiller sur notre âme. Merci, professeur Louis Obou. Je rappelle que vous êtes chrétien, membre de l'église baptiste œuvre mission de la Riviera 2. Vous aviez lu avec nous ce texte de Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 31. Vous êtes professeur à l'université Félix Foubagny. Vous êtes expert de la littérature, d'expression anglaise des pays africains. Et nous allons vous retrouver un peu plus tard pour d'autres émissions. Cette émission a été mise en ordre par Emmanuel Yao. Il est assisté d'Edouard Yao et je suis Adombia Lespacor. Nous vous laissons avec la note explicative de ce texte « Appel contre l'idolâtrie ». Vous pourrez la lire à la page 19 et 20 dans le lecteur de la Bible. Demain, nous serons avec un autre invité. Nous aborderons le reste des versets du chapitre 4 de Deutéronome. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée. À demain. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.